إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب في الدرس الماضي on avait pris la mounaqasha avec celui qui prétendrait ne pas faire de shirk et qui prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ya'lamu ma ma'na at-tawhid wala wa la ya'lamu ma ma'na al-ibada wala ma'na al-shirk. Chose qui nous a fait apercevoir qu'il ne connaît pas le sens du shirk ni de l'ibada. Entre autres. Fa ba'da hadha qala al-mu'allif rahimahu ta'ala. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء أما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجكم للبر أغرضتم وكان الإنسان كفورا. Donc maintenant, si tu es assis, que ce que les mouchriquins de notre époque appellent kabir al-i'tiqad, la grande croyance, c'est exactement le shirk sur lequel est descendu le Coran et pour lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens. Alors sache après cela que le shirk des anciens, des prédécesseurs, c'est-à-dire pas des salafs, des prédécesseurs, c'est-à-dire des mushrikoun, était moindre que le shirk des gens de notre époque. Et cela sur deux points. Et ces deux points-là, on les trouve également dans القواعد الأربع. تمام؟ ما هما؟ Premier, c'est que les prédécesseurs des mushrikin ne faisaient du shirk et n'invoquaient les malaïka et les awliya et les awthan avec Allah que lors de l'aisance. Leur shirk était lors de l'aisance, de la sécurité. تمام؟ Mais quand au moment de difficulté et lors des épreuves et lors des dangers encourus, alors à ce moment-là, ils étaient sincères envers Allah et n'invoquaient que lui. Comme Allah dans le sens où il dit, et lorsque le mal vous touche en mer, vous oubliez tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et lorsque vous êtes secouru sur le rivage, vous vous détournez. Et certes, l'insan, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Est un grand ingrat même. Kafour, akal. Donc là, on voit que ces gens-là invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement lors de la difficulté. Lorsque tout va bien, ils font du shirk. Lorsque tout va mal, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ça, c'est la fitra. Une chose qu'on retrouve également chez les koufars de notre jour, à notre époque. Tu les vois faire ce qu'ils ont à faire dans l'aisance, tout va bien, ils invoquent qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Le jour où ils sont vraiment en détresse, tu les vois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, que l'auteur cite, قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتاتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Donc le sens où Allah dit, avez-vous vu si jamais le châtiment d'Allah vous parvient ainsi que l'heure, est-ce que vous allez invoquer autre que Allah si vous êtes sincère? Mais plutôt c'est lui que vous allez invoquer, alors il va dissiper le mal pour lequel vous l'invoquez, s'il veut. Et vous allez oublier ce que vous lui associez. Dans ce verset, comme l'a démontré Cheikh l'Islam, dans ce verset et dans d'autres, que Allah subhanahu wa ta'ala répond également aux mushrikin et aux kuffar. Leurs dua peuvent être exaucés également, surtout dans ces moments-là, lors de la détresse. Même les faussaires ou les roussas, les obéissants et raïd d'alika. Et même da'wat al-mazloum. C'est le kafir. Tamam? C'est le kafir. Et lésé dans ses droits, même par un musulman qui invoque Allah contre lui, yustajab lah. Car dans le hadith, qala iyyaka wa da'wat iyyaka wa da'wat al-mazloum. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Il prend garde à l'invocation de celui qui est lésé. Car il n'y a rien, il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Donc là, le hadith, il est venu sans istisna, sans faire d'exception. Al-mazloum. Ay kullu mazloumin. Kull mazloumin. يعني ألف واللام هنا في هذه الجملة جاء على ظاهر الاستغراق qui veut dire qui englobe toute forme d'injustice. Toute personne qui est lésée dans ses droits et qui viendrait invoquer Allah SWT contre l'injuste, son dua se voit exaucé. Donc là, cette partie nous montre que les mouchrikoun, lors de la difficulté, reviennent à Allah. وَقُولُوا تَعَلَى Là, il cite les versets qui démontrent que lors de l'aisance, ils font du shirk, et lors de la difficulté, ils l'invoquent. فَيَقُولُ قُولُوا تَعَلَى وَإِذَ مَسَّ الْإِنسَانُ دُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Le sens où Allah dit, et lorsque l'homme est touché par un mal, il invoque alors son Seigneur en revenant vers lui. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin du verset, alors régis-toi et profite de ton coufre, hein, car certes tu seras parmi les gens du feu. Et là, quand il te dit régis-toi, c'est pas un ordre dans le fait que ce que tu fais c'est bien, c'est un tahdid, c'est une menace pour te dire continue à te réjouir dans le coufre et tu seras parmi les gens du feu. Ça veut dire ta réjouissance dans le coufre t'amènera à être des gens du feu. Donc si tu ne veux pas parmi des gens du feu, arrête le coufre. Et ce n'est pas non pas un appel à te réjouir dans le sens où Allah agrée cela. Non, c'est un blâme qui te fait. Et lorsque tu dis à quelqu'un, continue à faire ce que tu fais, tu verras ce qui va t'arriver dans le sens. وَقَوْلُوا تَعَالَى وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُلَلٌ دَعَوَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et lorsqu'ils sont recouverts par les vagues, ils invoquent alors Allah de façon sincère, c'est-à-dire sur les mers. Lorsqu'il y a les tempêtes, les prennent. À l'époque, les voyages se faisaient sur les montures sur terre ou par bateau, par les mers. Et lorsque les vagues venaient de toutes parts, c'est-à-dire alors des tempêtes en mer, chose qui est assez terrifiante, ils invoquaient Allah seul. Aujourd'hui, on a quoi comme moyen, Mathalène? On a l'avion. Pareillement. Lorsque les gens montent en avion, ils ont peur du fait que le ciel n'est pas leur domaine. Tout comme la mer n'est pas le domaine de l'homme en soi. Ils ne se sentent pas en sécurité comme sous le sol ferme. À part ceux qui sont habitués, comme par exemple les marins ou les pilotes. Eux, c'est autre chose, ils sont habitués. Mais à la base, l'homme, son milieu naturel, c'est sur le sol, sur la terre. C'est de là qu'il a été créé. Donc sur l'eau, il sent une forme de malaise. Et dans les airs également. Et certains ont une peur effrayante. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah qui les préserve. Même les koufars, tu les vois invoquer leur Seigneur. Et lorsque l'avion atterrit, tu les vois, ils applaudissent, tellement ils sont contents, ils sont rassurés d'arriver sur le sol. Pareil. قال المؤلف فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله يدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فليدعون إلى الله وحده لا شريك له. Donc celui qui a bien compris cette mas'ala que Allah a clarifié dans son livre, que les mouchriquines, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, invoquaient Allah et autre que lui dans l'aisance, dans la sécurité, dans la paisibilité. Mais lors de l'épreuve, de la difficulté, pas même, et du danger, ils n'invoquaient que Allah seul. Et oubliaient tous leurs associés. Tout ce qu'ils ont invoqué en dehors d'Allah, ils l'oublient. Ils n'invoquent que Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là. قال المؤلف تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا والشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. Donc il dit, celui qui a compris cela, quand même, que ces gens-là, les premiers mouchriquins, invoquaient Allah seul lors de la difficulté, il verra la différence qu'il y a entre le shirk des gens de notre époque et le shirk des premiers. Mais où est donc ces gens dont le cœur comprend de telle mas'ala une compréhension saine? Et c'est auprès d'Allah qu'on recherche l'aide. Donc la plupart des gens ne comprennent pas cela. « Walakin akthar an-nas la ya'lamun » وشعر فمين يدي تعليقا على هذا الكلام ولكن أين من يفهم قلبه ذلك أكثر الناس في غفلة عن هذا وأكثر الناس يلبس عليهم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. Donc où sont ceux qui ont un cœur qui arrive à comprendre ce genre de choses, car la compréhension en réalité vient du cœur. Al-fiqh. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets dit qu'il met un voile, وَجَعَنَا لَكُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَنْ أَنْ يَفْقَهُوهُ, et nous mettons sur leur cœur un voile pour qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas sur le cerveau, dans le cœur, que cela provient. Quand même, les choses viennent du cœur. وَالْإِيمَانِ وَالْنِيَا مَحَلُّهُمَا الْقَلْبِ, la base dans le cœur et non pas dans le cerveau. Donc le shir dit bien que la plupart des gens sont dans l'inattention, parce que cela sont distraits de ce point-là. C'est pour cela que la plupart des gens sont dans la confusion entre le vrai et le faux. Le faux est devenu vrai pour eux et le vrai est devenu faux. Allah musta'an. Donc ça c'était le premier point. Pas même que les mouchrikoun, parmi les anciens, parmi les prédécesseurs, avaient un shirk moins grave que ceux de notre époque. Eux, leur shirk n'avait lieu que lors de l'aisance. Mais lors de la shidda, ils invoquaient Allah seul. Tandis que les mouchrikoun de notre époque, eux, font du shirk en toute situation. Que ce soit en aisance ou en difficulté, ils font du shirk tout le temps. Wali'adhu billah. Faqala, al-amru thani, an al-awwalin yad'ouna ma'allahi unasan mukarrabin, indallah, imma anbiya, wa imma awliya, wa imma malaika, au yad'ouna ashjaran, au ahjaran. Muti'at lillah laysat 'asiyah wa ahli zamanina yad'una ma'a Allah unasan min afsaq an-nas wal ladhina yad'unahum hum alladhina yahkuna 'anhum al-fujur min az-zina was-sadaqati wat-tark as-salat wa ghayr dhalika wal ladhi ya'taqid fi salih wal ladhi ya'taqid fi salih aw alladhi la ya'si mithl al-khashab wal hajar ahwan mimman ya'taqid fi ma nushahid yushahadu fisquhu wa fasaduhu wa yushahadu bih. Donc ce deuxième point c'est quoi? C'est que les premiers, eux, des mushrikin, invoquaient des gens qui étaient des rapprochés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit des prophètes, soit des aouliyés, soit des anges. Et l'aouliyé c'est des hommes pieux. Ou alors, ils invoquaient des arbres ou des pierres. Et ces arbres et ces pierres obéissent à Allah, ne sont pas désobéissants. Alors que les gens de notre époque, eux, ils invoquent avec Allah des gens parmi les plus grands des pervers. Et ce même-là qui les invoque, ces mêmes-là qui les invoquent, rapportent eux-mêmes les plus grandes perversités et turpitudes commises par ces gens-là, par leurs mashayikh, par leurs aouliyés. Comme par exemple, qui font du zina, ou qui volent, qui délaissent sa salat, et réel zalika. Donc, celui qui a pour croyance, yani de retour vers l'homme pieux, d'invocation vers l'homme pieux, ou celui qui est droit, ou vers un bout de bois ou une pierre, tayeb, on va dire que sa croyance est moins grave que celui qui revient vers les pervers dont on témoigne de la perversité et des turpitudes, et de la corruption. Ça c'est marlouf chez Soufia. Chez les machins de Soufia, ils font des choses ahurissantes. Voire même des actes homosexuels ou pédophiles avec des enfants. D'ailleurs, tu les vois, les Soufis, parmi les machaires, ils ont avec eux tout le temps un roulem, amrad, un berbe, toujours, qui les servent. Un peu à la manière des prêtres avec les enfants de cœur. Ça, c'est connu chez les grands machaires de la Soufia. Et ils disent, balarnal yaqin, on a atteint la certitude. Donc je n'ai plus besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Plus besoin de faire salat, plus besoin de faire le hajj ni le siyam. Ça c'est pour vous, les awam. Et ben nous, nous les khawas, on est au-dessus de cela. Donc ils tombent dans les plus grands des maux et ils font du kouf. Et après leur mort, ces gens-là reviennent vers ces gens-là et les implorent, et les invoquent et attendent d'eux le secours. Wa li'azu billah. Thumma qala al-mu'allif: Iza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asah uqulan wa akhaf shirkan min ha'ula'i fa'lam anna ha'ula yuridunaha lama dhakarna wa hiya min a'zam shubahihim. فأسير سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء. Donc maintenant, si tu as compris comme l'auteur est dit, que ceux que le prophète Mohammed sallam a combattus ont une raison plus saine et un shirk moins grave que ceux-là, alors sache que ceux-là, c'est-à-dire les, aujourd'hui les chants du shirk qui s'apparentent à l'islam à notre époque, quand même ont une choubohette et qui est parmi leurs plus grandes des choubohettes également. Donc écoute bien pour entendre la réponse. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ces gens-là, sur lesquels le Coran est descendu, ne disent pas « La ilaha illallah ». Ils n'attestent pas de l'unicité d'Allah. Et ils démontrent le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils renient la résurrection. Et ils démontrent le Coran. Et ils ont fait du sihr. Ils disent que c'est du sihr, de la sorcellerie. Alors que nous, c'est le contraire. Nous témoignons. Nous disons la ilaha illallah. Et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons au Coran. Nous croyons à la résurrection. Nous faisons la salat, le siyam. Donc comment nous mettez-vous au même stade que ces gens-là? فقال الشيخ بعض هذا فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجهد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجهد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجهد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجهد الصوم وأقر بهذا كله وجهد الحج ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc la réponse alors, Shubuhat, quelle est-elle? Qu'il n'y a aucune divergence entre le savant, tous, que celui qui croit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur certains points et le dément sur d'autres, c'est un kafir. Et cela ne rentre pas en islam. Et également, celui qui croit en une partie du Coran et qui en renie une autre, comme par exemple celui qui reconnaît le tawhid, mais qui renie l'obligation de la salat. Ou alors, qui reconnaît le tawhid et l'obligation de la salat, mais renie l'obligation de la zakat. Ou celui qui reconnaît tout cela, mais renie l'obligation du siyam, du jeûne. Ou alors qui reconnaît tout cela et renie hein, l'obligation du hajj. Car il y avait des gens, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui renient le hajj. C'est pour cela que Allah fait descendre dans son livre hein, que le hajj pour les gens est obligatoire pour Allah vers sa maison, pour celui qui peut y aller. Et celui qui mécroit, alors Allah certes se passe de l'univers. Donc ceux qui divisent cela ou un jugement de kafir, comme il y a ijma des ulama dessus. Lienna, hada, ça revient à la mas'ala. Celui qui dément un messager a démenti tous les messagers. La mas'ala, on l'a déjà prise, alhamdoulilah. Wa qala ta'ala, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna illa shadd al-'adhab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? Et quelle donc est la rétribution pour celui qui fait cela, si ce n'est un avilissement dans ce bas monde? Et le jour de la résurrection, il sera ramené au plus dur des châtiments. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc celui qui reconnaît le tawhid, mathalan, et qui renie wujub al-salah, fahadha ma yanfa'u tawhidu, c'est un kafir. Parce qu'il a renié une chose, tamam, du Coran, il a renié son obligation d'une chose qui est un pilier du Coran, qui est un pilier de l'islam. Ou même, on a expliqué, celui qui rend halal un haram, ou haram un halal, même si il reconnaît le tawhid, il aura mécru pour cela. Ou celui qui se moque des messagers ou d'autres. Ce sont des choses qui amènent à la mécréance, qui demandent une tawba, sinon tu es exécuté. Il se peut que quelqu'un dise, mais Allah il pardonne tout sauf le shirk. Le shirk, quand même, et la mécréance ont le même jugement. L'un s'applique sur l'autre, et ainsi de suite. Donc celui qui aura fait cela aura commis de la mécréance. Donc celui qui meurt kafir, qu'est-ce qui se passe? C'est un mot shirk. Il est finnar khalidan fiha. Wal'a'adhu billah. Et là, une mas'ala, j'aimerais évoquer, en parenthèse, par rapport à la salat. Ou joube salat. Celui qui renie l'obligation de la salat. Là-dessus, vous connaissez la grande divergence qu'il y a par rapport à la salat. Celui qui la délaisse par fainéantise, et celui qui la délaisse en reniant son côté obligatoire. Celui-là, il y a ijma, c'est un kafir. Celui qui renie son côté obligatoire. Et les ulama, dans le hadith, al-'ahd baynana wa baynahum as-salat. Man tarakaha faqad ashrak ou faqad kafar. Que ce qui est entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui l'a délaissé a certes mécru ou associé. On va dire même le jumhur des ulama, la plupart des savants, voit que c'est celui qui l'a délaissé en reniant son côté obligatoire. Cheikh Al-Othaymin, par rapport à ça, il a quand même qawi jiddan. Il dit, car moi je suis d'avis comme lui que celui qui délaisse sa salat, sans excuse, alors c'est pas quelqu'un qui est dans le coma ou qui est malade ou rien de zalika, qui délaisse sa salat, tarik al-salat, takasulan ou juhudan, hukmuhu sawa indana. C'est le même jugement, c'est un kafir. Pourquoi? Cheikh Al-Othaymin, il vient avec un détail très important. Il dit, celui qui ne fait pas salat, mathalan, et qui voit qu'elle n'est pas obligatoire, c'est un kafir. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il dit, et celui qui fait salat, mais qui reconnaît, qui voit que la salat n'est pas obligatoire, il l'a fait quand même. C'est quoi son jugement à lui? C'est un kafir également. Même s'il l'a fait. Même s'il fait je ne sais combien de salat par jour. Mais au fond, lui dit, c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire de la faire. Avant, c'est une chouette, après on l'éclaircit. Là, on parle de l'os de quelqu'un, tayyib, qui connaît l'épreuve. Il dit, n'est pas obligatoire la salat. Mais il l'a fait quand même. Est-ce que cette salat va lui servir à quelque chose? Non, c'est un kafir. Donc il dit, on n'a pas besoin de dire que celui qui délaisse sa salat, il la délaisse en délaissant son côté obligatoire. Car même s'il la faisait, il serait quand même kafir en délaissant son côté obligatoire. Donc le qawl sahih, c'est que celui qui délaisse sa salat, qu'il la voit obligatoire ou pas, par fainéantise ou pas, c'est un kafir. Donc cette ziyada, hein, qui voit qu'il ne la voit pas obligatoire, elle ne sert pas à grand chose. Car dans tous les cas, même s'il la faisait, il serait un kafir de toute façon. Donc de là, ce qu'on a, il est qawi jiddan jiddan, qui amène vraiment à convaincre les gens à ce que celui qui délaisse sa salat, c'est un kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Thumma qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala. ومن أقر بهذا كله وجهد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. Donc maintenant, celui qui reconnaît tout cela et poursuit l'auteur, mathalan, tout ce qui s'ensuit, comme tawhid, salat, siyam, hajj, mais par exemple, ou zakat, mais qui, mathalan, il renie la résurrection, il la dément, celui-là c'est un mécréant avec ijma, et que son sang et ses biens sont halal. Tamam. Après Allah, il cite le verset qu'on a pris auparavant, que ceux qui divisent entre Allah et ses messagers, et la akhiré. Donc si Allah a dit clairement dans son livre, que celui qui croit en une partie du livre, et qui mécroit en une autre, lui c'est réellement un kafir. Donc de là, cette shubuhat, elle se dissipe. Elle tombe, elle s'annule. Et cette chouboureette, comme l'auteur il le dit, c'est celle que certaines personnes de Al-Ihsa ont mis dans leur livre qu'ils nous ont envoyé. C'est-à-dire des gens lui ont envoyé un livre, une demande par laquelle il répond. Et dans ce livre, ils ont cité que justement les gens disent cette jubouat. Nous, on dit la ilaha illallah, donc pourquoi vous nous rendez mécréants? Et vous appliquez sur nous les jugements qui s'appliquaient sur le Quraysh. Et Cheikh Al-Othaymine, il dit que ce livre, il ne voit pas de quoi il parle. Il a cherché, mais il ne voit pas de quoi il parle. Il n'y a pas de trace de ce livre. Al-Muhim, que ces gens-là, en faisant ce qu'ils font, ils disent, moi je crois au Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, fait Coran yakul, wa la tadou ma Allah ahada. N'invoque personne avec Allah. Toi, tu vas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou tu vas invoquer le wali. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as démenti le Coran en faisant cela. Est-ce que tu vas dire non? Donc, en disant non, tu l'as démenti. Donc, tu crois une partie et tu en mécrois une autre. Tu vas égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. T'as même? Alors qu'Allah, il dit bien, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Dis certes, ma salat et mon sacrifice sont pour Allah seul, qui n'a pas d'associé. Ton sacrifice n'est que pour Allah seul. Toi, tu vas égorger pour le wali. Donc, qu'est-ce que tu as fait en faisant cela? Tu as démenti le Coran. Voyez, ghayr zalika, et des ahadith. Donc, en faisant cela, même si tu ne t'en rends pas compte, tu as démenti le Coran. En faisant le contraire du Coran, ce que Allah t'a interdit de faire, tu le fais et tu le rends halal. Et voire même, tu en fais un moyen de rapprochement vers Allah, ce qui est encore plus grave. Wallah azubillah. Donc là, c'était une partie de la shubuhat, et il va poursuivre par la suite, Inch'Allah, à y répondre. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Falhamdulillah Rabbil Alameen.